qui t'aimais, c'est moi qui t'ai choisi. Donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. Oui, dans ma solitude, je pense à tes caresses, à ces années passées auprès de ton amour. Regarde-moi droit dans les yeux, tu m'aimes toujours, ça je le sais. Tes yeux me disent quelque chose, les souvenirs des temps passés. Ouh, ouh, ouh, donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. Ouh, ouh, ouh, donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. De la paix, l'amour c'est l'uniforme, mais ce n'est pas la forme. Si tu m'aimes pour toujours, traversons le carrefour, continuons la route ensemble jusqu'au bout du tunnel. Ouh, ouh, ouh, donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. Ouh, ouh, ouh, donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. C'est moi qui t'aimais, c'est moi qui t'ai choisi. Donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. Oui, dans ma solitude, je pense à tes caresses, à ces années passées auprès de ton amour. Regarde-moi droit dans les yeux, tu m'aimes toujours, ça je le sais. Tes yeux me disent quelque chose, les souvenirs des temps passés. Ouh, ouh, ouh, ouh, donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. Ouh, ouh, ouh, donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. Pourquoi tant de chagrin, nous allons prendre le train, marcher main dans la main et chanter un refrain. Allume le calumet de la paix. L'amour c'est l'uniforme, mais ce n'est pas la forme. Si tu m'aimes pour toujours, traversons le carrefour, continuons la route ensemble jusqu'au bout du tunnel. Ouh, ouh, ouh, donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. Donne-moi un bisou, allez, faisons la paix. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie c'est comme un rêve, on ne vit qu'une fois, un jour on va mourir, vivons la vie c'est tout. La vie, la vie, la vie, la vie, maintenant ou jamais, jouons la vie c'est tout, on ne sait jamais. La vie, la vie, la vie, la vie, si je gagne au tiercé, nous irons à Boaké, pourquoi pas Abidjan, et aussi à Lomé, à Kinshasa, à Libreville, à Bangui. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie c'est comme un rêve, on ne vit qu'une fois, un jour on va mourir, vivons la vie c'est tout. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie est courte sur terre. Si tu veux m'aimer, aime-moi maintenant, ne remets pas à demain, vivons la vie c'est tout. Quarté, nous irons à Quarté, pourquoi pas à Abidjan, et aussi à Lomé, à Kinshasa, à Libreville, à Bangui, aux Antilles, à Guadeloupe. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie est bon, tu t'aimes. Si tu veux m'aimer, aime-moi maintenant, ne remets pas à demain. La vie, la vie, la vie, la vie, donne-moi un baiser. Un jour on va mourir, et ce sera bien.